Unité 3, phonétique. Exercice C. 1. Le chat court vite. 2. Les enfants goûtent à 4 heures. 3. La fête commence à 8 heures. 4. Le film dure 2 heures. 5. Les chats mangent beaucoup.